Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'80s et vous. 80s et vous, c'est une nouvelle émission de la galaxie 80s de podcast dont le concept est très simple. Ainsi, je recevrai une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle ait marqué celle-ci par son actualité à cette époque, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant cette période, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion des années 80. La particularité de cette nouvelle émission sera aussi et surtout de découvrir l'invité sous un jour nouveau. Alors aujourd'hui, je reçois une dame que je vais laisser se présenter, comme le veut la tradition, nom, prénom, date et lieu de naissance, et profession s'il vous plaît. Guillaumin Maude, je suis née le 22 mars 78 à Boulogne-Billancourt et je suis journaliste. Alors, journaliste, mais plus précisément, d'après ce que je peux voir, plutôt dans le domaine politique. Plutôt dans le domaine politique, en effet. J'ai pu noter notamment quelques ouvrages également, savoir un livre sur la génération Mitterrand. Exactement. Qui sont les gens qui nous gouvernent et un peu les années SOS. Je reprends aussi les grands magazines de l'époque, les pubs de l'époque pour décrire un peu de manière politique comment tous ces gens étaient dans les pas de Mitterrand. Mais du coup, ça retrace un petit peu toutes ces années et aussi dans leur côté culte et culture. Alors moi, je vais être très honnête avec vous, je ne me souviens pas de l'ouvrage, mais par contre, je me souviens du documentaire qui a été tiré de l'ouvrage et que j'ai vu. Oui, j'ai fait un documentaire à partir de là. Oui, oui, oui. Effectivement, du coup, je connaissais déjà votre voix par ce documentaire, mais je ne connaissais pas l'ouvrage. Ah. L'ouvrage est beaucoup plus compliqué que le documentaire, hein, parce que du coup, il va plus dans tous les sens. Le documentaire, c'est plus simple, c'est vraiment les énarques des années Mitterrand contre ce qu'on appelle les nantaires, c'est-à-dire ceux qui venaient de la fac de manière générale, ceux qui venaient des SOS racisme, et c'est tous les gens qu'il y a en ce moment et au gouvernement et au PS, c'est-à-dire des énarques et à la fois des gens qui étaient vraiment dans les assos comme Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS actuel, des gens comme Julien Drey, bon, même s'il n'est pas au gouvernement, face à des gens comme Ségolène Royal, François Hollande et Michel Sapin, tout ça. Donc en gros, des gens qui se disputent un peu l'héritage de Mitterrand, finalement. Exactement. Après, j'ai aussi un documentaire que j'avais vu sur les conseillers, donc les hommes de l'Élysée en 2014, donc focalisé bien sur les hommes, pas de l'ombre, mais comme leur nom l'indique, les conseillers des présidents. Oui, j'essaye de montrer comment de Gaulle à Sarkozy, leur fonction a à la fois beaucoup changé et au fond pas tant que ça parce que le but c'est toujours de conseiller le président au mieux et d'essayer qu'il ne soit pas dans une bulle. Or en même temps le problème c'est que le pouvoir d'hier à aujourd'hui c'est le même et que très vite on a envie d'être dans une tour d'ivoire et petit à petit les conseillers ils n'arrivent plus à respirer l'air extérieur et c'est pour ça que souvent à la fin les dernières années du pouvoir sont toujours difficiles. Alors, un autre ouvrage sur Jackie Kennedy, donc là, sur un petit peu l'histoire de cette femme qui, forcément, est connue de par le monde et dont on découvre un peu le pourquoi du comment elle est arrivée avec Kennedy, qu'en fait, on a un peu imposé. Enfin bref, j'ai pu me renseigner un peu là-dessus. Donc, vous avez fait cet ouvrage-là. Ouais. En deux mots, c'est juste, j'essayais de montrer qu'en fait, Jackie Kennedy, c'était pas juste des belles fringues. Ouais. C'était aussi, en réalité, une vraie femme d'influence qui a eu beaucoup plus de pouvoir qu'on a pu le croire, et ce, jusqu'à la fin des années 90, quoi, parce que vraiment, après, comme elle était super puissante, elle est encore très écoutée. Et puis enfin, un livre en février 2015 sur Arnaud Montebourg, donc Le Vicomte. Exactement, voilà. Donc ça, c'est vraiment votre dernière parution. Et puis alors, un documentaire que j'ai trouvé donc sur la tomate. Oui, les bonnes tomates, les tomates alors, anciennes, mais les vraies, pas celles qui sont faites de manière industrielle. Tomate à la recherche du goût perdu. Ouais. Donc oui, ça fait un peu les aventuriers de l'arche perdue ou à la recherche du temps perdu, forcément, c'est la référence de base. Donc sur ces documentaires, alors je vais me permettre quand même de vous poser la question, donc vous êtes crédité en tant que réalisatrice, donc vous assurez vraiment la réalisation du documentaire et c'est vous qui faites la voix off après, généralement. C'est-à-dire que en fait, c'est moi qui mène l'enquête, c'est moi qui propose le sujet, qui mène l'enquête, qui vais tourner avec un caméraman et après on monte en 52 minutes un vrai film qui raconte une histoire de bout en bout à travers cette enquête avec là un monteur. Ok, c'est toujours bien de savoir ce genre de précision. Et puis alors lien avec pas forcément la tomate, mais j'ai retrouvé aussi alors peut-être pas des débuts, mais il y a quelque temps vous participiez au magazine Terre d'Info. Oui. Notamment en direct du Salon de l'Agriculture, donc d'où le lien avec les tomates peut-être. Oui. Et, exactement d'ailleurs. Donc ça, c'est des émissions a priori en public, de par ce que j'ai pu voir. Voilà, où vous reveniez un peu sur les grands acteurs du secteur agricole. En fait, c'est une chaîne qui n'existe que pendant le Salon de l'Agriculture. Et je recevais aussi bien le patron du Crédit Agricole que des hommes politiques. le ministre de l'Agriculture, des choses comme ça. Et à côté de ça, le médaillé de la super dernière vache ou du super vin, du petit fromage de chèvre. Voilà, donc c'était très rigolo comme émission. Elle durait une demi-heure parce que j'avais vraiment de tout. Le terroir. Exactement. Alors, on va se recentrer un peu sur nos années 80. Donc, vous êtes également chroniqueuse occasionnelle dans Schnock, qui est une revue quand même qui tient à cœur aux gens qui ont à peu près notre âge, hein, puisque les quadragénaires, c'est quand même pile dans la cible. Donc, pareil, des articles qui portent généralement sur la politique, donc notamment sur toujours la génération donc Giscard, les jeunes giscardiens. Et puis après, j'ai un deuxième article que je m'étais noté dans Schnock. Oui, alors là, c'était sur les starlettes des années 50-60. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était là, ça nous éloignait un petit peu. Mais Schnock, c'est quand même un MOOC, ça s'appelle. Vous savez, c'est un magazine book, MOOC, et qui veut être sur les années 60, 70, 80. C'est un peu ça. Donc, il était logique, effectivement, que vous puissiez faire des articles sur des périodes un peu plus anciennes. Mm. Et alors, vous avez de l'actualité un peu prévue dans les prochains Schnock ou quelque chose alors, qui va arriver Normalement, je vais écrire un article sur Marie-Pierre Casset. Vous vous rappelez obligatoirement d'elle. C'est la dame qui se jetait sur une table pour la pub Please et qui, après avoir glissé tout le long de la table, disait « Oh, je ferai pas ça tous les jours ». Et donc, j'ai déjà fait l'interview. Il ne reste plus qu'à écrire l'article. Et elle est extraordinaire parce que maintenant, elle a plus de 80 ans. Et pour elle, ça reste un rôle. C'est-à-dire que ce soit un tout petit rôle, parce qu'elle a fait des tas de rôles de concierge et de femme de ménage, pour elle, c'est un rôle. Et il n'y a pas un petit rôle par rapport à un grand rôle. C'est toujours l'expression de son travail, de ses années d'expérience. Et pourquoi elle a été prise pour cette pub tout de suite, c'est parce qu'elle avait fait pour elle du cabaret pendant des années et que voilà, elle savait être drôle en une seconde. Ah bah Marie-Pierre Casset, on l'avait forcément cité dans le numéro qu'on avait fait sur les pubs cultes des années 80, oui. Où effectivement on avait dit que on avait forcément tous essayé dans notre jeunesse sur la table bien encaustiquée des parents, où au moment de se jeter, on avait les genoux qui avaient tapé dans la table. Et on n'était pas arrivé à refaire comme Marie-Pierre Casset et moi. Alors qu'elle l'a fait vraiment, et elle a fait 4 ou 5 prises maximum. Ah oui, ah joli. Ouais, et elle n'a pas du tout eu peur. Franchement, elle m'a dit, non, je me suis lancée, j'ai pas réfléchi. Oui, donc quelqu'un d'accessible alors, quelqu'un de sympathique. Je pense pas qu'elle soit rigolote tous les jours, hein. Elle est exactement comme dans la pub, vraiment. Hein. D'accord. Bien sûr, Please fait merveille pour ôter la poussière, mais ce n'est pas tout. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Mais c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Please, prends la poussière au piège. Alors, votre profil 80s. Comme vous l'avez dit, vous êtes né en 1978. Donc, vous êtes clairement une enfant des années 80. Donc, quelles sont les choses dont vous vous souvenez vraiment de cette période et qui vous viennent tout de suite en tête? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué tout de suite là? Je dirais que je suis vraiment une enfant de la télé. Je l'ai regardée tout de suite, beaucoup. J'ai toujours regardé, là, quand vous avez dit 2-3 ans, tout de suite, je me suis dit, à l'époque, c'était Croque-Vacances, Récré à deux. C'est les premiers trucs que ça me rappelle tout de suite quand je pense à mon enfance. Ouais. Vous vouez un vrai culte à quel dessin animé de cette époque? Alors, un petit peu plus tard, j'avoue que j'étais une vraie fan donc des Cités d'Or et de Princesse Sarah. J'avoue, là, c'est un dessin animé de filles, mais je les ai tous regardés, je les dessinais derrière, je les ai re-regardés avec émotion quand ils sont passés il y a quelques années sur France 5. J'ai même eu un peu honte, mais franchement, ça m'a fait trop plaisir de les voir. Et pareil, les Cités d'Or, quand mes neveux étaient petits, tout de suite, on leur a offert les cassettes et je les ai regardées avec eux et ça n'avait pas vieilli. Alors, Princesse Sarah, moi, si je me rappelle bien, c'est la série qui donnait quand même envie de se taillader les veines un petit peu. Ouais, mais moi, j'avais des problèmes à l'école avec mes petits camarades et donc ça me soutenait vachement de me dire qu'il y avait une autre petite fille qui souffrait vachement plus. Donc, moi, c'est plutôt Rémi sans famille dans le même genre. Non, Rémi sans famille, c'était trop triste, c'était horrible. Ah non, là, vraiment... Et franchement, là, vraiment, c'est trop. C'est trop. Il a pas de famille. Le vieux, il meurt. Non, c'est pas possible. Oui, on a connu plus positif. Ça, je peux pas le cacher. Alors, à part ces dessins animés, est-ce que, par exemple, pendant les années 80, vous vous souvenez d'émissions de télé en particulier, de pubs, j'en sais rien, de choses un peu toujours liées à la télé ou autre chose, un spectacle que vous auriez vu ou des... Alors, c'est vrai que je trouve que les années 80, c'est quand même beaucoup, beaucoup lié à la télé. Mais il est vrai qu'à l'époque, quand d'un seul coup, on allait en vacances et que, par exemple, on captait quasiment aucune chaîne, ou que la télé était en noir et blanc et que ça crépitait, enfin vous vous souvenez tous de ça, ou que d'un seul coup on n'avait que la mire parce que FR3 était en grève. Du coup on avait nos manches disques et parfois des cassettes, et je me souviens notamment parce que j'ai vu que Chantal Goya refaisait son spectacle de Marie Rose prochainement, et moi je me suis tapée pendant des années le disque de Marie Rose, et je n'ai jamais été voir le spectacle, mais je connais encore plein de chansons par cœur alors que j'ai jamais vu le spectacle, simplement parce que en vacances, quand je m'ennuyais, c'est la seule chose que j'avais à faire, écouter le disque de Chantal Goya. Donc vous aimiez bien Chantal Goya? Non, pas particulièrement. C'est juste parce qu'il y avait rien. Et que d'un seul coup, j'avais rien d'autre. Ouais, ça, et aussi, je me souviens parce que, en fait, ma famille habite à Nice, et donc on faisait des Paris-Nice en voiture, sans climatisation, évidemment. Vous vous rappelez tous de ça. On mettait les serviettes, vous savez, qu'on accrochait aux fenêtres pour faire de l'ombre. Et en fait, ma marraine, dans un grand élan de générosité, avait gagné un Walkman, vers 87, par là. Mais il n'y avait que le avance rapide et pas le retour rapide. Ah. Et il n'y avait qu'une cassette dedans, parce qu'elle était offerte avec le Walkman. Baladeur, ouais. Et c'était la Compagnie Créole. Donc là encore, aujourd'hui, je connais quasiment toutes les chansons de la Compagnie Créole, parce que pour faire Paris-Nice, il faut 8 à 9 heures. D'accord. Donc, ouais, ça fait partie des souvenirs marquants. Alors là, c'est pas des souvenirs toujours très positifs, mais en même temps, ça me fait rigoler. Mais sinon, ce dont je me souviens le plus, c'est tous les jeux qu'on pouvait faire et qui n'existent plus toujours aujourd'hui. L'autre jour, j'ai pensé donc au pogo et au ballon sauteur. Je me disais qu'aujourd'hui, je voyais plus d'enfants avec des ballons sauteurs dans les jardins. Et qu'est-ce que j'ai pu me marrer avec le ballon sauteur et après avec le pogo. Voilà, c'est celui avec la poignée, le ballon sauteur. Exactement. Et il y a encore ça à l'école. Hein. Moi, ma fille qui a 7 ans, elle avait eu ça à la maternelle. Oui. D'ailleurs, elle s'est cassée une dent avec ce truc-là. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup. Elle a voulu en prendre deux en même temps. Donc ouais, j'ai fait beaucoup de chutes. Et le pogo, en fait, d'un seul coup, j'ai eu pogo en tête, mais je ne savais plus trop ce que c'était, pogo. C'est parce le jumper, en fait. Nous, on l'a cité. Ah, c'est ça. On a fait un cadeau bonus sur les jouets d'extérieur. Et le pogo ball, c'est le jump jumper. C'est le truc où la pub, c'était un gros plan sur les baskets des enfants de l'époque. Et qui, limite, jouait au basket, justement, au vrai basket, avec ce jump jumper. C'était un ballon coincé dans une rondelle de plastique. Il y a une de mes copines de classe qui avait ça. D'accord. Ça n'avait pas l'air super pratique, quand même. Hein, non, mais c'était quand même rigolo. Franchement, c'était rigolo. Et les gens qui étaient bons, petit à petit, arrivaient à faire des figures. Et c'était assez impressionnant. C'était sportif. Après, au niveau donc des concerts, vous avez dit que vous aviez écouté le disque de Chantal Goya, mais vous n'aviez pas vu son concert. Est-ce qu'il y a des concerts que vous avez vus? Parce que c'est vrai, quand on était enfant, on a toujours des souvenirs du cirque du coin qui venait sur la place de son village. Vous, étant donc du coup plutôt sur Paris, vous deviez disposer de spectacles. Eh bien oui, et alors de manière très étonnante, parce que maintenant Dorothée a l'image de quelqu'un qui se faisait beaucoup d'argent et tout ça. Mais quand j'étais vraiment petite, je dirais donc avant 1988, avant qu'elle passe chez TF1. Elle faisait, je ne sais pas exactement dans quel cadre, avec la mairie de Paris. Elle a fait une ou deux fois des concerts gratuits. Je sais que je suis allée à deux concerts gratuits. Une fois notamment, j'étais avec ma sœur qui a 14 ans de plus que moi. Et en fait, il y avait une queue monstrueuse. Et elle me dit, attends, mais toi, t'es toute petite. Va au début de la queue. Tu te mets contre des gens. Ils vont pas faire attention parce que t'es petite. Et puis, tac, je te rejoins. Et comme ça, on est sûr de rentrer. Et j'ai vraiment hésité. Mais en fait, j'avais trop peur. Et donc, j'ai jamais réussi. Et donc, bon, on a fait la queue en entier, elle a été gentille et on a été au concert gratuit de Dorothée. Et je me souviens, l'année d'après, là c'était avec ma voisine du 5e, on y était allé. Et je me souviens, c'était y avait notamment dans les chansons de Dorothée qui sont pas très connues, à un moment elle avait fait tout un truc un peu années 20, c'était Je suis la chouchou, voilà. Et mais oui, je me souviens de cette chanson. Et voilà, et donc je me souviens notamment qu'il y avait des costumes super et donc très années 20, avec des petits chaussons, avec des espèces de pompons aux pieds. Et après, nous, on avait fait des pompons sur nos chaussons à nous pour faire les chaussons de la chouchou sur nos charentaises ridicules. Mais on a eu ça pendant au moins 6 mois après. Et voilà. Et ces concerts étaient gratuits. Et franchement, c'est des moments super. Moi, sinon, j'ai jamais été à des concerts pour enfants. C'est mes seules expériences. Et bon, alors, c'est parce que j'étais parisienne, j'avais eu cette chance. Mais à l'époque, donc, Dorothée faisait ça avec Jackie, avec Corbier. Il y avait toute l'équipe. Voilà. Alors, je sais pas s'il y avait déjà Ariane, en revanche. Je crois que c'est plus dans les années 90. Voilà, je pense que c'est avant qu'elle arrive. Et voilà, c'était vraiment top. Donc Dorothée, c'est pas que l'argent. Oui, effectivement, elle a eu une réputation un peu comme ça à un moment, mais c'est bien aussi de casser ses mauvaises réputations. Donc vous nous parliez de votre sœur, justement. Alors quelles étaient vos relations avec vos frères et sœurs pendant ces années 80? Alors donc j'ai deux sœurs, donc elles ont 12 et 14 ans plus que moi. Elles auraient pu avoir une relation déjà un peu de mini-maman. Il y a des grandes filles un peu comme ça, que voilà. Mes sœurs, elles n'étaient pas du tout comme ça. Elles étaient vraiment, comme moi, assez immatures. Et donc, du coup, j'étais juste leur petite sœur, vous voyez. Les 5 premières années, elles ne sont pas trop occupées de moi. Enfin, j'étais vraiment petite. Mais à partir de 6-7 ans, je dirais qu'elles m'ont beaucoup apporté. Parce qu'en fait, j'étais plus débrouillarde et plus mature, entre guillemets, que les autres. Disons que j'étais plus habituée à être avec les grands. C'est pas que j'étais très mature comme un enfant qui est mature, c'est plus que j'avais pas peur des grands, j'avais pas peur de parler. Et donc elles m'ont apporté beaucoup de confiance en moi. Et je leur dois beaucoup. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu deux sœurs aussi âgées par rapport à moi. Donc, et à partir de mes 10 ans, elles m'emmenaient à leurs soirées et tout ça, plein de fois, quand elles devaient me garder, en fait, elles m'emmenaient avec elles jusqu'à minuit, 1h du matin. Et en termes de références musicales ou autre chose, est-ce qu'elles ont su vous communiquer la passion pour un chanteur en particulier de cette époque-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne dis pas que c'était toujours le meilleur goût, mais en effet, du coup, comme elles étaient ados, elles mettaient la musique à fond et elles dansaient. Alors que moi, j'aurais pas fait ça à 5 ans. Et donc, elle mettait beaucoup Jean-Jacques Goldman. Je me souviens qu'elle l'adorait au tout début. Donc, Envole-moi, ça, je l'ai entendu des centaines de milliers de fois. Et puis, tout ce qui était Supertramp aussi, elles avaient tout Supertramp. Et puis aussi, Locomotion. Voilà, les filles, là. Kylie Minogue. Les Bananarama. Non, Bananarama, oui, donc, oui. Voilà. Vénus et tout ça, quoi. Et évidemment, tout ça, j'aurais pas connu du tout. Parce que là, quand même, j'étais trop jeune. Et ça, c'est toute une culture que j'ai grâce à elle. Qu'est-ce qu'elles écoutaient d'autre? Les premiers Michael, c'est vrai que c'est elle aussi. Et je me souviens que je crânais parce qu'à l'école, il y a plein de trucs que je connaissais et que les autres enfants ne connaissaient pas. Oh bah c'est sûr que du coup, vous passiez un peu pour la, pas la caïd, mais ouais, ça m'aidait pour ça. Exposé à des choses. Et en termes d'abonnement à des clubs éventuels, parce que mon invité précédent disait qu'il faisait partie du club Musclore, est-ce que vous aussi... Ah donc je suis pas la seule, alors ça me fait plaisir. Parce que donc oui, moi je faisais partie du club des amis de Barbie. Et c'est vrai que j'ai adoré ça. Je vais vous dire pourquoi. Pas parce que j'adorais obligatoirement les Barbies, c'est pas ça. C'est plus que c'est les premières fois où on reçoit du courrier qui vous est adressé rien que pour vous, avec votre nom, votre adresse. Et ça m'a donné une sorte d'importance. D'un seul coup, je recevais mon courrier, j'ouvrais mon courrier et personne d'autre l'ouvrait. Alors c'est vrai que c'était des lettres types, évidemment, qui étaient tapées et tout. Mais en plus, il y avait des petits cadeaux. Ça m'obligeait à lire. Moi, enfin, vous allez me dire que j'ai écrit des bouquins, mais... Quand j'étais petite, j'aimais pas du tout lire. Et ça m'obligeait vraiment à lire. Et en plus, pareil que pour Dorothée, il y a eu des spectacles gratuits. Je saurais pas du tout qui a organisé ça. Et c'était en lien avec Musclore, puisque je me souviens, il y avait aussi les petits garçons. Puisque j'y étais allée avec mon cousin qui était au club de Musclore, des amis de Musclore. Et en effet, il y avait... des petits spectacles. Je me souviens avoir fait beaucoup la queue et les pieds dans la boue, et qu'après il y avait beaucoup de monde et qu'on était, c'était très impressionnant, et que les parents n'avaient pas le droit d'aller avec nous, donc il n'y avait que les enfants dans la salle. Je vous cache pas que le crossover ami de Barbie, ami de Musclore, c'est quand même difficilement envisageable. Mais alors du coup, il y avait aussi une sorte de, parce que pour les amis de Musclore, il y avait le bracelet de force qui est le cadeau qu'on mentionne à chaque fois pour le club des amis de Musclore. Mais vous aviez quoi, un diadème? Que des bracelets avec des cœurs, que des petits cœurs que autocollants qu'on collait partout. Mais j'ai encore plein de trucs, hein. J'ai encore une ou deux lettres des amis de Barbie avec petites étoiles avec des paillettes et des petits cœurs avec des paillettes. C'était des petites cochonneries comme ça. Mais enfin, on adore. Je dis pas que je les collais partout, parce qu'au contraire, souvent, moi, je voulais pas abîmer. Et donc, souvent, je les gardais telles quelles. C'est pour ça, d'ailleurs, que je les sais toujours. Et je les repliais bien dans l'enveloppe. Et pourtant, je suis pas du tout, du tout soigneuse. Mais ça, ça faisait partie de mes petits trucs à moi, et rien qu'à moi. Ah bah, je peux comprendre, hein, ça, tout à fait. Comme vous disiez, le courrier adressé à soi par rapport à un, c'est encore du courrier pour les parents. C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir des lettres à soi. Et surtout tout petit, parce qu'en fait, voilà, dès 7-8 ans, quoi, quand on commence à lire. Et alors, pendant ces années 80 aussi, ça a été un peu l'explosion des publicités. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, comme beaucoup d'enfants ou d'adolescents de cette époque, est-ce que ce sont des choses qui vous ont marqué, les slogans publicitaires ou toutes ces choses-là? Je trouve que quand on est enfant, on est... Enfin, moi, je suis quand même une éponge, donc c'est pour ça que je me rappelle encore de tas de slogans, et pareil pour les génériques de dessins animés. Donc, même des trucs super vieux, hein, t'as le ticket chic, t'as le ticket choc, tic-tac-tac, t'as le ticket choc, oh, tic-tac-tac, t'as le ticket choc. Voilà, et je peux vous la faire en entier. Bon, et ben on va faire un petit quiz sur les slogans de publicité, si vous voulez. On y va, on y va. Allez, alors si je vous dis, si je t'attrape, je te mords. Mulder, si je t'attrape, je te mords. Si je vous dis, buvez. Éliminé. Buvez, éliminé, boire vite, elle est bougée, buvez, éliminé, voilà. Une sorte de femme orchestre. Hein. Il faudrait être fou pour dépenser plus. Il faudrait être fou pour dépenser plus, Eram. Et soif de mordre. Alors là, j'hésite avec, je dirais Perrier, mais j'hésite avec Canada Dry. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah. Il s'agit de Brut de pomme. Ah, c'est Brut de pomme. Vous voyez, pourquoi j'ai dit Canada Dry? Parce que justement, je voyais une truc... Canada Dry, il y a de la pomme aussi, non? Non, Canada Dry, c'est du gingembre. Ah, bah, mais voilà, ça, c'est cette couleur un peu ambrée, voilà, et donc c'est du cidre, en fait, du jus de pomme. Oui, ouais. C'était du faux cidre, du jus de pomme avec des bulles. Voilà, donc oui, effectivement, on sent que vous avez une certaine base plutôt solide sur les slogans publicitaires. Ah, oui, soif de mordre. Et c'est dommage, parce que dès que j'entends, par exemple, en tant que faux cidre, Paul, bah, disons que tout le temps, je sors une tourtelle, quoi, directement, ça, c'est automatique. Alors là, on est plus dans les années 90, pas. Ouais, ouais. Paul, une tourtelle, ou Buckler, tout ça, oui, c'est plus... Fin des années 90. C'est de fight to make ends meet. Keep some man up on his feet. Holding down his job. Trying to show he can't be bought. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. Alors, bah en termes de plaisir coupable, on va essayer de creuser un peu sur cet aspect-là. Alors, vous nous avez mentionné Princesse Sarah, qui est, je dirais pas un dessin animé, pas pourri, mais qui est un dessin animé quand même moins connu que certains autres pendant les années 80. Mais est-ce qu'il y avait des séries vraiment honteuses que vous avez aimées à cette époque-là, ou plus tard, ou des choses un peu inavouables? Sincèrement, à part après des trucs genre Shérif fais-moi peur, ça c'était vraiment pourri, mais ça je dirais plus que c'est la 5, les trucs qu'on regardait sur la 5, ou même enfant, on savait que c'était vraiment pourri. Et puis aussi, un truc un peu pourri que j'aimais pas trop, c'est Denver, le dernier dinosaure, parce que ça pour moi c'était plus pour les petits, mais de temps en temps je le regardais quand même. Denver, le dernier dinosaure. Ouais, là, je pense c'est mon ami et bien plus encore. Voilà, vous devez exceller dans la chanson de Denver. Ouais, et tout le monde me disait que je ressemblais à Brenda, la présentatrice. Bah, heureusement, on aurait pu vous dire que vous ressembliez à Denver, et là, je l'aurais mal pris. Non. Ça va. Plus à Brenda, ouais. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle est devenue. Ah bah d'ailleurs, c'est souvent mon grand jeu, aller voir ce que sont devenues telle ou telle personne. Je suis pas allée voir Brenda, je ferai ça après. C'est vrai, il faudrait. Alors, en termes de série, donc la 5 en général, mais il n'y avait pas une série sur laquelle vous bloquiez, il n'y avait pas... Alors, après, donc, dans les grandes séries que j'aimais vraiment bien... Mais alors, c'est vrai que elles arrivent à la fin des années 80, c'est des séries des années 80, mais américaines, qui arrivent donc plus tard chez nous. Donc moi, j'adore, dans les trucs un peu inconnus, Les Craquantes. C'était le titre français. En fait, ça s'appelle Les Golden Girls en américain. C'est quatre sexagénaires et plus une octogénaire qui habitent ensemble en coloc à Miami. Et en fait, c'est une série culte aux États-Unis, et franchement, je trouve ça absolument génial. Et mais c'est vrai que je le dis pas à tout le monde, parce qu'on me prendrait vraiment pour ouais, parce que en France, ça a pas du tout marché. Vous voyez ce que c'est? Ah oui, c'est moi, je me souviens de La Petite Vieille avec les lunettes. Exactement. Alors La Petite Vieille, pour de vrai, elle avait 45 ans, mais ouais, Et je suis allée tout voir, les émissions spéciales, j'adore, je les connais super bien, mais il n'y en a plus qu'une qui est vivante aujourd'hui, Rose. Je connais toute leur vie. Et donc, marié deux enfants, du Madame est servie un peu. Alors Madame est servie, j'adore. Dans les plaisirs coupables, pour connaître, il y a marié deux enfants, mais c'est parce que maintenant, je pense aujourd'hui, parce que je suis allée revoir des épisodes, que c'était plus une série pour adultes, vraiment. Parce que je comprenais pas tout, en fait, à l'époque. Et en fait, maintenant, c'est très drôle, marier deux enfants. Et sinon, donc, j'enregistrais tous les épisodes de Madame est servie. Je les connais quasiment tous par cœur, même encore aujourd'hui, vraiment. Je suis allée voir toutes les émissions spéciales qu'ils ont fait après, là, les retrouvailles qu'ils ont pu faire. Oui, c'est très à la mode, ça, oui. Voilà, récemment. Et vraiment, j'adorais, j'ai encore des cassettes VHS où il y a écrit « Ne pas toucher, Maud, Madame est servie ». Donc de grosses fans d'Angela, quoi. Ah oui. Angela, et je voulais être publicitaire à l'époque. Je la trouvais super. Et je vais même vous dire, l'autre jour, j'ai fait toute une analyse à des copains, parce que vous savez, il y a la marque de vêtements qui s'appelle Comptoir des Cotonniers, oui. Où on voit notamment Charlotte Gainsbourg aujourd'hui avec sa fille. C'est très à la mode. Leur campagne, c'est que ça, la mère, la fille. Exactement. Or, il y a un épisode de Madame est servie, où en fait, elle a l'impression qu'elle vieillit, et elle veut montrer à son client qui vend des vêtements qu'elle a 42-43 ans et qu'elle est encore super sexy. Et donc, elle fait toute une campagne où d'un seul coup, elle arrive hyper sexy, avec une coiffure à la Tina Turner, en disant « Regardez, même à 43 ans, comme votre fille, je peux être aussi sexy. » Et le mec lui dit « Ben, je peux pas accepter parce que jamais une fille de 20 ans voudra s'habiller comme sa mère de 40. » Et ben aujourd'hui, c'est exactement l'histoire de Comptoir des Cotonniers. Je leur ai raconté ça et ils m'ont dit que j'étais une cinglée d'avoir Madame est servie comme référence. Pourtant, j'ai trouvé que c'était une bonne référence. Non, je suis d'accord. Après, moi, je sais que je me souviens plus de Tony Micheli, mais ou après, il y avait Alyssa Milano, effectivement, dans cette série. Mais mais j'aimais bien, je regardais beaucoup. Mais la mieux pour moi, c'était la mère, en fait. Mona, bah bien sûr, Mona Robinson. Elle était formidable. Path you take and a path not taken. A choice is up to you, my friend. Nights are long, but you might awaken to a brand new life. Brand new life, a brand new life built round the bend. Tout ce qui était donc des jouets non désirés, des jouets que vous auriez voulu avoir mais que vous avez jamais eu, des jouets que vous avez eu mais que vous auriez alors pu il faut dire au Père vous Noël dire que donc nous on fait beaucoup de récup et donc je vous ai dit mes sœurs elles sont beaucoup plus âgées que moi donc malheureusement j'ai quand même eu beaucoup de jouets de mes sœurs. D'accord. Donc par exemple mon père faisait beaucoup de films aussi et d'un seul coup une fois je me souviens quand j'avais 6-7 ans on voyait un film de mes sœurs à Noël couvrait d'un seul coup un cadeau et c'était une poupée que j'avais encore et elle marchait parce que la mienne elle marche pas et en fait parce que moi j'avais les vieux trucs tout cassés donc ça c'est les jouets honteux et c'est vrai que j'avais une amie au cinquième qui était pas pour y gâter mais qui avait c'est vrai ses parents lui offraient que des très beaux jouets donc elle avait des poupées Tini et des poupées Corolle oui. Qui coûtaient cher et je me suis dit l'autre jour que en repassant aux poupées Tini c'était assez intéressant parce que il fallait avoir la poupée noire c'était bien d'avoir la poupée avec de couleur de peau noire et aujourd'hui je sais pas si les enfants il y a encore beaucoup de poupées noires en fait. Il y en a encore. Ma fille en a eu une, oui, il y en a encore. Alors après, c'était pas vraiment un gros poupon plastique et autres. C'était une poupée en tissu plutôt, mais il y en a encore. Oui. D'accord. Parce que c'est vrai que voilà, c'était intéressant cette poupée noire. D'accord. Bon, et alors au niveau des. Alors, parce que les années 80, très riches en sagas cinématographiques, très riches en films effectivement qui ont marqué. Est-ce que il y a des choses pareilles que vous adorez revoir quand il fait pas beau, vous mettez sous la couette et vous repassez un vieux film des années 80 ou qui vous a marqué et qui vous suivent encore sur. Moi, c'est un film qui date de 77 en fait. C'est un film familial en fait. C'est Diabolomante. Alors tout le monde n'a pas vu. C'est un film de Diane Curis. C'est le premier film de Diane Curis et en fait c'est une histoire d'ado, c'est deux sœurs. Alors c'est vrai que du coup moi ça me rappelait un peu peu ma famille. Et en fait, mes sœurs l'avaient vu à sa sortie, quand elles étaient petites avec mes parents. Et donc, en fait, dès qu'on a eu un magnétoscope et que c'est passé à la télé, bah, mon père me l'a enregistré pour que je puisse le voir. Et je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas pourquoi. Parce que j'avais 8 ans, hein, un truc dans le genre, 7-8 ans. Et ma copine du 5e, qui avait 2 ans de plus que moi, et moi, on l'a regardé, mais des tas et des tas de fois, le mercredi, le samedi, plusieurs fois d'affilée et tout. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Vraiment, ça m'a beaucoup plu et tout, mais je ne comprends pas parce que, en plus, j'ai pas compris les trois quarts du film pendant toutes les fois où je l'ai vu, hein, parce oui, que là, en le revoyant adulte, d'un seul coup, il y a plein de trucs qui m'ont... Mais moi, j'allais dire, je l'ai pas vu souvent, mais je me souviens d'un... Pas de côté un peu, pas glauque, mais un peu bizarre quand même. C'est difficile, il y a le divorce de leurs parents et tout. Voilà, mais alors, par exemple, je me souviens une très bonne blague que raconte le père, parce que justement, il n'est pas très à l'aise avec ses filles qu'il ne voit pas très souvent. Et en fait, d'un seul coup, il est au resto avec elles et il ne sait pas quoi leur dire. Donc, d'un seul coup, il leur dit, bon, je vais vous raconter une blague. C'est un mec qui est perdu dans le désert. Et d'un seul coup, il rencontre un type et puis il dit, excusez-moi, est-ce que vous savez où est la mer? Et le mec lui dit, bah quand même, la mer, elle est à 250 km. Et l'autre répond, ah ouais. Belle plage. Voilà. Et là, d'un seul coup, dans le film, les deux filles comprennent pas du tout et continuent à manger leurs pâtes en regardant leur père, genre le pauvre mec. Et je me souviens que plein de fois, on se racontait la blague parce qu'en fait, on l'avait pas bien comprise. On avait demandé à nos parents de nous expliquer pourquoi c'était drôle. Et alors, moi, je me souviens qu'il y avait Dominique Lavanant et Marthe Villalonga et Tilla Shelton dans ce film. Exactement. Voilà. Tilla Shelton, elle joue la directrice de l'école. Et Marthe Villalonga, elle est prof d'anglais et elle dit... Je connais le film par cœur. Hein. Avec son accent pied noir, elle dit... In what season does the scene take place? Justify your answer. Voilà. Non, mais je connais encore plein de répliques par cœur. Mais c'est vrai que j'avais adoré ce film aussi parce que, voilà, c'est une fille qui est encore petite fille dans sa tête, qui n'est pas encore complètement ado, alors que sa sœur, elle est déjà complètement ado. Et c'est marrant parce que ma voisine du 5e, qui avait 2 ans de plus que moi, elle se projetait beaucoup plus dans la grande fille que moi. Moi, j'étais vraiment avec la plus jeune. Alors qu'elle, elle était déjà... parce qu'à un moment, la grande reçoit, par exemple, des lettres d'amour et tout. Et sa mère lit les lettres d'amour et l'engueule en lui disant « Mais à 15 ans, tu devrais pas avoir des lettres comme ça. » Je me souviens que ma copine Marion disait « Mais tu te rends compte, elle lit ses lettres et tout. » Et moi, petite, j'étais comme ça « Bah oui, mais enfin, c'est vrai que c'est des lettres. Quand même, elle devrait pas recevoir ça. Hein. » Et la fameuse scène où elle vient annoncer à sa mère qu'elle a ses règles et où elle prend deux baffes dans la figure aussi. Oui, alors ça, c'est vrai que je m'en suis souvenue plusieurs fois aussi. Et après, ça m'a un peu étonnée. Et en fait, il paraît que c'est dans la tradition juive, hein, parce que moi, je connaissais pas. Mais c'est vrai que j'avais pas très très bien compris cette scène. Mais il y a plein d'autres trucs que j'avais pas compris. Hein. Évidemment. Est-ce que vous savez que ce film a eu le prix Louis de Luc ? Oui. Et c'est ce qui a permis à Diane Curie, après, de faire toute la série, le prolongement de tous ces films qui racontent toujours l'histoire de sa famille, en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez me citer 3 films qui ont eu le prix Louis de Luc ? Attention, quiz. Comme ça, à la bam, hop. Alors, il y a des films français quand même assez connus qui ont eu ce prix, effectivement. Alors, je dirais que... Pas forcément dans les années 80. Non, alors, par exemple, je sais qu'il y a... Mince, comment elle s'appelle la blonde, la française qui joue dans Inglourious Basterds. Ah, Mélanie Laurent. Voilà, Mélanie Laurent, il me semble qu'elle était dans un film qui a eu le prix Louis de Luc, donc il y a au moins 7-8 ans. Parce qu'il me semblait avoir noté ça, mais je ne serais pas capable de vous donner le nom du film. Non, là, du coup, je vais être naze. Ah, ça fait plaisir, parce que j'avais l'impression quand même que vous étiez intouchable, et je me disais, je vais bien trouver un domaine où elle a une faiblesse, quand même. Non, mais alors, du coup... Non, mais je peux vous en citer plusieurs qui sont les plus connus, on va dire. Il y a eu Nelly et Monsieur Arnaud, qui a eu le prix de Luc, il y a eu Le Petit Criminel, il y a eu Le Mari de la Coiffeuse, notamment. Ah, Le Mari de la Coiffeuse, ah ouais. Voilà, il y a eu Être et Avoir, il y a eu Merci pour le chocolat, il y a eu Marius et Jeannette. On connaît la chanson. Celui-là, vous auriez pu le trouver parce que comme beaucoup chanter. Ouais. Ça. Non, le Mari de la Coiffeuse, j'avais beaucoup aimé Le Mari de la Coiffeuse. Personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu c'est ce film. C'est dur. Moi, j'aime bien ce film, mais la fin, enfin bref. Ouais. Pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que c'est un Patrice Lecomte assez marquant. Dans tes classeurs de lycée, il y a tes rêves et tes secrets. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne, que tu caches et qu'on condamne. Que tu caches, petite Anne. En termes de regrets et de choses à oublier dans ces années 80, est-ce c'est vrai que là, quand je vois les jeunes de 20 ans dans la rue et que je revois des looks de quand j'étais petite, un peu à la Madonna dans Recherche Suzanne désespérément ou à la Cyndi Lauper et tout ça, je sais pas si c'est vraiment à copier. J'ai vraiment envie de leur dire, non, sincèrement, non, re-regardez les films de cette époque et franchement, elles sont super moches. Pourquoi vous vous déguisez comme ça, c'est monstrueux. Donc c'est vrai que là, je trouve qu'on est en train de revenir beaucoup. Je prie juste pour qu'on évite le retour des épaulettes, parce qu'on parlait de Madame Esservier. C'est ce que j'allais dire, ça. Ça vous fera plaisir quand même. Ça va être terrible, ça va être terrible. Mais à mon avis, on va y revenir. Et aussi, le look très féminin, masculin, où il y avait beaucoup de tailleurs, mais vraiment très masculin sur des femmes. Et je pense que quand on était vraiment magnifique, peut-être que ça passait, mais sur Madame Tout-le-Monde, je sais pas si c'est une grande réussite. Sur une fille un peu plus boulotte, ça peut être compliqué. Ouais. Sur Sigourney Weaver, ça pouvait aller, mais... C'est ça. Tout le monde n'est pas Sigourney Weaver. Ah oui, un de mes films préférés, non, je vous ai pas dit, bien sûr. Ah. C'est Working Girl. Eh ben j'allais vous dire Working Girl, j'adore ce film. Ah non mais vous savez qu'en fait, on pourrait dire que c'est un plaisir honteux, mais pas du tout. D'abord ça a eu l'Oscar de la meilleure musique avec la super chanteuse américaine, donc là je retrouverai pas le nom, mais elle est extrêmement connue aux États-Unis. Et en fait ils étaient quasiment tous nommés pour l'Oscar, meilleur acteur et second rôle. Donc il y avait Harrison Ford, il y avait Sigourney Weaver et bien sûr il y avait la blonde, d'un seul coup j'ai oublié son nom. Ah mais il y avait Mélanie Griffith, voilà. Et la musique, c'était Carly Simon. Carly Simon, exactement, et qui est très très connue aux États-Unis. Et ça aussi, il y a plein de répliques que j'adore. Ôte ton pétard au feu de mon soleil, des trucs comme ça, j'adore. Bon, et est-ce que vous aimiez Punky Brewster, tiens, pendant Ah oui, et j'adorais Punky Brewster. Alors c'est pareil, on me disait que je lui ressemblais un petit peu, et plusieurs fois à des soirées déguisées, j'avoue, j'ai sorti le look Punky Brewster avec le bandana. Avec les boucles d'oreilles en soleil, quoi. Voilà, ouais, ah, ouais. Et elle, je suis allée voir ce qu'elle était devenue. Ah bah, elle est très très jolie. Ouais. Et je suis allée voir aussi Chéri, et j'ai vu que le monsieur est mort il y a peu de temps. Il y a 4-5 ans. Ouais, c'est ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors, en termes d'autres choses à oublier, pendant qu'on y est, on a fait alors, le tour. J'ai plus d'autres idées, mais en revanche, est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui? Oui, je sais. Alors, je sais que c'est un podcast et qu'il va repasser plusieurs fois. Oui. Mais j'ai appris qu'en fait, on était le 21 octobre 2015 et c'est le jour où, en fait, dans Retour vers le futur, ils arrivent dans le futur. Marty McFly arrive... À 16h02, je crois. Oui, moi j'avais 16h15, enfin bref, 16h et quelques. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est en effet aujourd'hui. C'est génial. Et donc, en fait, normalement, on aurait dû avoir... Alors, on a bien les baskets qui montent. Qui montent, mais qui se lassent pas toutes seules. Ouais. Et on n'a pas les planches... L'overboard, non plus. Voilà, et la pizza qui se réhydrate non plus. Non, mais il y a quand même y a des choses comme le fait de pouvoir communiquer par Skype et tout ça, c'est quand même magique. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que vous faites bien de signaler ça parce qu'il y a eu énormément de choses. Alors d'ailleurs, on va y consacrer un podcast dans pas très longtemps. Mais c'est vrai que les initiatives ont été vraiment multiples au niveau de ce film qui, je l'espère, vous a aussi marqué dans les années 80. Parce que c'est vrai Je me souviens très très bien quand on allait le voir. Et le 1 et le 2 sont vraiment deux films qui sont cultes, je pense. Ouais, complètement. Enfin, en tout cas... Je me souviens vraiment du jour où je l'ai vu parce que ça m'a vraiment marqué. J'avais trouvé ça hyper innovant et voilà. Alors, c'était pas vraiment une chose à oublier, parce que je vous demandais une chose à oublier. C'est plutôt justement une chose. Alors ça, c'était pas à oublier. Non. Dans les autres choses à oublier, donc c'est vrai qu'il y a le look. Alors, c'est vrai qu'il y a un esprit années 80 qui était quand même très fric. Bernard Tapie, très on étale sa réussite et tout ça. Ben, c'est un peu Starmania, hein, parce que dans les. C'est moi je l'ai découvert plus tard, Starmania, la saga de Plamondon. Et c'est vrai que. C'était vraiment, j'ai réussi, j'en suis fière, j'ai mon bureau en haut d'une tour, voilà. Je trouvais qu'il y avait vraiment cette idée, et je trouve que malheureusement, aujourd'hui, dans la jeunesse, avec des séries comme Gossip, vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi, Gossip Girl? Non, Gossip Girl, oui. Des trucs comme ça. Oui. On revient un peu à ce genre de choses, oui. Et c'est vrai que c'est une vision des années 80 que j'aimais pas du tout. Donc l'émission Ambition avec Bernard Tapie, vous étiez pas présenté par Bernard Tapie, c'était pas votre... Exactement. En revanche, je préférais quand il allait faire de l'aérobic. Voilà. Avec Véronique et Tamina. Exactement. Et effectivement. Tout bronzé et tout, là, avec son Marcel rouge et son short vert, en son jogging vert, effectivement. Est-ce que vous pouvez me donner une chanson culte qui représente pour vous le plus les années 80? Alors ça, vraiment, je trouve ça super dur. C'est vrai que du coup, je serais plus sur Les Cités d'Or ou un truc dans le genre. Vous n'avez pas une chanson un peu avec du chamallow dans la bouche ou des choses un peu mièvres dont vous vous souvenez? Je sais pas, moi. Moi, je sais qu'il y a, pour en discuter souvent avec des amis, on a forcément une chanson du Take On Me de A.A. ou des choses alors, comme ça. Alors, voilà, parce que c'est mes sœurs qui le chantaient par cœur. Ce serait Chagrin d'amour, 8h du match, j'ai des frissons, parce que je le connais par cœur alors que je déteste cette chanson. Alors c'est chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, chacun fait ce qui lui plaît, 5h du match j'ai des frissons. Effectivement, de Chagrin d'amour. En fait c'était le blues trottoir des années 80. Parce que après eux ils ont fait un soir de pluie, et voilà, c'est un peu le style de choses. Ok, et alors donc Les Cités d'Or quand même, parce que moi j'ai retrouvé aussi à l'époque où vous faisiez la matinale avec Bruce Toussaint. Vous aviez fait une chronique culturelle où vous aviez chroniqué l'album de Sébastien Tellier. Ouais, exactement. Et il y avait Les Cités d'Or dedans. Ouais. Et vous aviez mentionné effectivement que Sébastien Tellier, une sorte de Chabal maigre qui mentionnait les personnages des Cités d'Or. Donc m'avait vachement étonné parce que c'est vrai que mine de rien, il y a aujourd'hui une culture anti-télé. Moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui veulent pas avoir la télé chez eux pour leurs enfants et tout, alors qu'ils ont passé comme moi des heures et des heures devant la télé. Et moi, j'ai pas l'impression d'être moins cultivée parce que j'ai beaucoup regardé la télé. Vraiment, hein, je le pense sincèrement. J'en ai parlé à plusieurs personnes qui aujourd'hui ne veulent pas du tout que leurs enfants regardent la télé. Et je leur dis, mais en quoi tu penses que si t'avais pas regardé la télé petit, tu serais plus intelligent aujourd'hui ou plus doué ou que tu jouerais mieux du piano ou que tu serais meilleur sportif ou voilà. Parce que c'est, enfin après faut trouver un juste milieu, je dis pas qu'il faut passer sa vie devant la télé, mais... Moi non plus, il y avait des enfants en effet qui passaient leur vie devant la télé et parce que leurs parents s'occupaient pas d'eux. Alors peut-être qu'on la regardait trop, mais je regrette pas du tout. Bah ça tombe bien, on est beaucoup à penser ça. Bienvenue au club. Alors est-ce que vous pouvez nous chanter un petit bout du générique des Cités d'Or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or. Ah, jolie, vous chantez bien. Eh bah, ouais, bah, je vous comprends. Une belle voix, hein, enfin, jolie. À quand The Voice? Non, je plaisante. Alors là, on va pas se lancer là-dedans. Non. Surtout pas, ne parlons pas de ce genre d'émission. Alors, pour conclure, on va finir avec deux choses. Est-ce que vous connaissez des Guillaumins célèbres? Alors, à part Émile Guillaumin, la vie d'un simple, l'écrivain, et Armand Guillaumin, le peintre, non, je connais pas d'autres Guillaumins. Si, il y a Claude Guillaumin qui est un journaliste, mais qui est pas hyper célèbre, mais tout le monde me demande si c'est quelqu'un de ma famille, mais malheureusement, non. Aucun je n'ai aucun lien avec aucun lui, sinon ma carrière aurait peut-être été plus rapide, plus facile, je ne sais pas. Ok, bah écoutez, vous m'avez grillé les trois Guillaumins que j'avais, quoi. Ouais. Joli. Non, mais vous êtes au top sur les Guillaumins. Je connais un Arnaud Guillaumin qui est collègue, mais... Mais j'en connais pas du tout d'autres, en fait. Ok. Pour finir, est-ce que vous pouvez me donner un objet qui vous lie encore aux années 80 aujourd'hui et dont vous servez toujours qui Donc, il y a mon enregistreur cassette. Genre un dictaphone? Non, c'est un vrai appareil enregistreur qui est gros, qui prend de la place et tout. Mais je sais pas pourquoi. Souvent, je me dis, ah tiens, faut que j'enregistre tel truc. Et je vais pour le chercher. Maintenant, je me dis... Ah oui, mais maintenant, regarde, avec ton iPhone, en 2 secondes et demie, t'as le dictaphone. Mais on parle de quoi, là? On parle d'un poste à cassette ou on parle... Ah oui, on parle d'un gros poste à cassette avec le gros bouton rouge qui fait aussi enregistre. Ah oui, une sorte de ghetto blaster. J'ai du mal à imaginer Maud Guillaumin avec un ghetto blaster sur les épaules. En plus, il est transportable parce qu'il y a une poignée. Il fait quoi? 40 cm de haut et 20 cm de large. Et il se pose. Okay. Voilà. Bon, et puis alors... Super pratique. Et alors, juste quand même, pour finir, la mode Guillaumin sportive, elle a existé dans les années 80 ou pas du tout? Sportive, oui. Alors, je faisais beaucoup de danse et de gym, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à ça, eh ben, je peux faire la Corée de Fame, bon, en édulcoré. En radio, ça ne va pas trop rendre, mais sinon, je vous l'aurais demandé. Mais... non, alors, en revanche, je ne peux pas vous faire les super passes de Olivier Tom, ça, je ne sais pas les faire, les dribbles. Retourner là, vous savez, quand restait une demi-heure en l'air. Il sur le poteau, il restait une demi-heure en l'air et voilà. Non, ça je peux pas. Mais après, il y a eu J'aime la gym. Quasiment personne connaît J'aime la gym. Et bah si, alors justement, J'aime la gym, générique chanté par Claude Lombard, dont on vient de faire un numéro. Donc J'aime la gym. Je regarde cette série actuellement avec ma fille. Essayez de sauter, de danser au Cynthia. C'est très dur, mais je y arriverai au Cynthia. Tu verras tout le mal qu'on se donne au Cynthia. Tu verras, je serai une vraie championne. J'aime la gym, j'aime la gym. Ah ouais, j'adorais. Mais j'ai jamais vu la fin parce qu'en fait, ça n'a pas été diffusé en entier, je pense. Bah, j'ai l'intégrale à la maison. Je me souviens très bien, j'étais en CM2 et ça n'a pas été diffusé en entier. Non, mais pareil, c'était sur la 5 à un moment, ça. Oui, mais je sais pas pourquoi ça n'a pas été diffusé en entier. Ils faisaient souvent ça, ou soit ils changeaient, ils diffusaient plus au même horaire, ou c'était spécialisé, la 5, ils étaient spécialisés. Ça, c'était terrible. Et pareil, j'aimerais qu'on me dise ce qui va arriver au petit Pierre dans Annette. Dans les Alpes avec Annette, où le ciel est toujours bleu. Alors, c'est une sorte d'ID, mais un peu, enfin, c'est la sous-ID, on va dire. D'accord. Voilà, mais d'un seul coup, il y a un petit garçon, Pierre, qui va faire tomber d'un ravin le petit frère d'Annette, et il va avoir des béquilles, et finalement, il va remarcher, mais il n'y a jamais eu les derniers épisodes, et encore aujourd'hui, je vis avec ce manque. Bah, il faut aller sur YouTube. Hein, ouais, il faut que j'aille sur YouTube, exactement. Et alors, dernière question, la gastronome en culotte courte, Maude Guillaumin, c'était quoi? C'était quelle est gâteau au chocolat. Boum, terminé. Ah, gâteau au chocolat, et après granola et délices choc au chocolat noir. Ok. Et ça reste encore aujourd'hui, et malheureusement, il n'y a quasiment plus jamais de délices choc au chocolat noir. Il n'y en a plus pendant des années, il y en a de nouveau eu dans les années 2010, là au tout début, mais on n'en a plus trouvé pendant des années et des années. Et la première fois que j'ai remangé un délices choc avec les petits grains de sucre qui croquent sous la dent, mais c'était ma Madeleine de Proust à moi. Franchement, j'avais l'impression d'un seul coup de nouveau d'avoir 8 ans trempé dans du lait, c'était génial. Bon, écoutez, merci beaucoup Maude pour cet entretien finalement très musical. Et puis on va se quitter sur une... je vais vous laisser le choix de la chanson de clôture pour ce numéro. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous ferait plaisir dans celle dont on a parlé pendant ce numéro, d'écouter en générique de fin? Vous préférez quoi? Chacun fait ce qui lui plaît? Le générique des Cités d'Or? Non, je mets un petit Chacun fait ce qui lui plaît pour vous rappeler. Un petit Chacun fait ce qui lui plaît. Alors, chers amis, je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro. Donc comme je le disais, merci beaucoup Maude d'avoir accepté mon invitation. Et puis à très bientôt pour un nouveau numéro d'80s et vous. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et sur le site 80slepodcast.fr. A très bientôt. Merci encore, Maude. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît. Précipice est au bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Les chats qui se tapent, aux petits ronrons. Les éminents, les petits bateaux. Pour de l'âge-pleur, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus en pli. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur. Madame Pipi a des ennuis. Monsieur Papa se fait du tracas. Dans les logis, les malotis. Bébé Femme, lui, ça bouillit. 8 heures du mat, j'ai j'ai des frissons, des claques des dents et je monte le son. Sur ce lit de mes draps froissés, ses pins soumis sont mis cassés. Il perd la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. Espèce de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. Pas dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombe sur les noeuds. Je coupe la main en massant les morceaux. I don't need money, I don't.